Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, merci de nous écouter, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai eu envie d'ouvrir l'émission avec un peu de Rossini. Mais on ne va pas écouter un extrait d'opéra, d'ouverture, non, non, on va écouter une sonate pour cordes de Rossini. Alors, ces sonates pour cordes, eh bien, ce sont des œuvres de la prime jeunesse de Rossini. Il était adolescent lorsqu'il les a composées. Et en fait, elles sont destinées aux quatuors à cordes, mais on les joue évidemment avec des effectifs beaucoup plus importants, comme c'est le cas avec l'enregistrement que je vais passer dans un instant. Et donc, Rossini, il a toujours considéré que ses sonates, c'était un petit peu un travail d'étude, en quelque sorte, et il ne souhaitait pas qu'elles soient publiées. Néanmoins, dans les années 1830, elles ont été éditées, et on a découvert que déjà Rossini, à 12-13 ans, maîtrisait parfaitement les techniques d'écriture, et quelque part, ces sonates pour cordes de Rossini évoque pour moi les symphonies pour cordes du jeune Mendelssohn qui lui aussi s'était fait la main en composant des œuvres uniquement destinées aux cordes. Évidemment, c'était moins compliqué qu'avec un orchestre plus fourni et ce sont des œuvres aussi absolument admirables. Allez, voici le premier mouvement de la sonate numéro 1 pour cordes de Rossini avec les cordes de l'Academy of St. Martin in the Fields dirigées par Sir Neville Mariner. Thank you. Déjà tout l'esprit de Rossini dans ses sonates pour cordes, hein, c'était la première composée donc par un gamin de 12-13 ans, et puis c'était l'interprétation de l'Academy of St. Martin's Fields, dirigée par Sir Neville Mariner. Beethoven, maintenant, il sa Missa Solemnis. Alors, il y a une nouvelle version qui vient de paraître chez Alpha Classics, avec l'ensemble Le Cercle de l'Harmonie, Audi Jugend Chor Academy, donc le chœur, tous dirigés par Jeremy Rohrer. Et bon, évidemment, il y a les versions incontournables, me semble-t-il, d'Herbert von Karajan, qui a enregistré plusieurs fois cette Missa Solemnis, et puis Carl Böhm, tout ça, c'est fortement recommandable. Mais il est bien aussi que les nouveaux interprètes, que la jeune génération, et moins jeune d'ailleurs, enregistrent aussi tout ce répertoire. Alors, la Missa Solemnis, Beethoven considérait que c'était son chef-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est une œuvre absolument incontournable, arrangée à côté de la Messe en Si de Bach, et puis de quelques autres œuvres comme ça essentielles. Mais c'est une œuvre qui date des années 1820, contemporaine de la composition de la 9e symphonie. Elle sera créée entièrement à Saint-Pétersbourg, puis à Vienne, et une œuvre qui suit la liturgie, mais qui évidemment a des côtés très opératiques en quelque sorte. On n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une musique réellement destinée à la messe. Et en tout cas, c'est vraiment une œuvre qu'il faut connaître absolument. Ça fait partie des quelques œuvres, comme je le disais, qui ont marqué l'histoire de la musique. Alors voici un extrait du Gloria avec cette nouvelle version, Audi Jugend Chor Academy, le chœur, et puis le Cercle de l'Harmonie, tous dirigés par Jeremy Rohrer. C'est une nouveauté du catalogue Alpha Classics. Oh! Un extrait de la Missa Solemnis de Beethoven, le Gloria, chanté par l'Audi Jugend Chor Academy, le Cercle de l'Harmonie, tous dirigés par Jérémy Rohrer. Très jolie parution du catalogue Alpha Classics. Et on continue avec un peu de violon, Fritz Kreisler. Eh bien, c'est un compositeur autrichien. Il est né en 1875, il a été un enfant prodige, reconnu très très tôt pour ses dons extraordinaires. L'un des plus jeunes, élèves du conservatoire de Vienne, accepté à 7 ans. Et puis, il a composé des œuvres assez originales, reprenant des thèmes du passé, des compositeurs du passé qu'il arrangeait. Il faisait des pastiches en quelque sorte. Et ça, évidemment, à une époque où la musique baroque était quasi ignorée, eh bien, c'est un travail intéressant parce que ça permettait au public de l'époque de connaître un peu cette musique des siècles antérieurs. Et Fritz Kreisler, finalement, a surtout laissé des petites pièces, des pièces de salon, mais qui sont absolument magistrales. On va s'en rendre compte avec l'une des plus connues, je pense, la Gitana, qu'on va écouter jouer au violon par Kyung Va Chung et au piano Philippe Moll. Thank you. La Gitana, pièce de Fritz Kreisler, interprétée par Kyung Vashung au violon, et puis au piano, c'était Philippe Moll. Et on continue avec un peu de Charpentier. Alors pas Marc-Antoine Charpentier, qui est un compositeur baroque, mais Gustave Charpentier, qui a eu une longue vie d'ailleurs, parce qu'il est né en 1860, il est mort en 1956. Et il est connu que pour une seule œuvre qui a longtemps été régulièrement programmée dans les maisons d'opéra, c'est Louise, qui est une œuvre, comment dire, naturaliste. C'est comme ça qu'elle est qualifiée, c'est-à-dire que c'est en lien avec le roman naturaliste dont Zola est évidemment le maître. Et il faut dire que justement, Gustave Charpentier fut très lié à Émile Zola, comme il connut très bien aussi Paul Verlaine et d'autres grands écrivains de son temps. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite ouvrière qui tombe amoureuse d'un garçon, mais elle va se rebiffer contre l'autorité paternelle, contre le patriarcat, comme on dit aujourd'hui. Et à l'époque, ça n'était pas très très bien passé. Et en plus, elle suit ses instincts sexuels. C'est quelqu'un qui est complètement désinhibé. Donc évidemment, à l'époque, quand cette œuvre a été créée vers 1902-1903, ça n'a pas plu à tout le monde, et même Zola dit, bon, il y avait eu quand même quelques réticences lorsque Gustave Charpentier lui avait soumis son livret d'opéra, puisque Charpentier a lui-même écrit le livret d'opéra, ce qui n'est pas si fréquent. Allez, on va écouter peut-être la page la plus célèbre de cet opéra de Charpentier, qui était né à Dieuze. Tiens, c'était un Lorrain, celui-là. Gustave Charpentier, depuis le jour, chantait très souvent lors des récitals de soprano, et c'est la voix de Kathleen Battle, et l'orchestre de l'Opéra Bastille est dirigé par Myung Byung Chung, qui est le frère de la violoniste qu'on vient d'entendre dans Kreisler. Thank you. Discothèque classique, votre rendez-vous classique les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Et c'était l'air fameux depuis le jour où je me suis donné, tiré du Louise de Gustave Charpentier, avec l'orchestre de l'Opéra Bastille dirigé par Myung Byung Chung et la voix sublime de Kathleen Battle. Un peu de musique baroque maintenant avec Johann Adolf Haas. Il est né en 1699, il est mort en 1783. C'était un natif de la région de Hambourg qui s'est rendu à Venise parce que c'était vraiment à l'époque de Haas, dans la première moitié du XVIIIe siècle, un centre musical extrêmement important. Et pas seulement parce qu'il y avait Vivaldi, il y avait beaucoup de compositeurs qui étaient sur Venise à cette époque-là. Et il a fait jouer ses opéras avec beaucoup de succès. Et il a épousé d'ailleurs l'une des vedettes de l'époque, la chanteuse vénitienne Faustina Bordoni, qui était vraiment considérée comme une star presque. Hein. Elle était appréciée, la Faustina. Et donc, il a créé des oratorios, des opéras, de la musique évidemment instrumentale. On va écouter un extrait de son oratorio. Le serpent dans le désert, une œuvre tirée de l'Ancien Testament qui évoque l'exode du peuple hébreu d'Égypte vers la terre promise, et ils sont réduits en esclavage par le nouveau pharaon, les Hébreux, et ils vont finir par s'en émanciper sous la conduite de Moïse, évidemment. Alors voici la Sinfonia qui sert d'ouverture à cet oratorio, puisque vous savez qu'à l'époque, eh bien, on écrit non pas une ouverture qui reprend les thèmes qui seront développés par la suite dans l'ouvrage, mais des sinfonias en quelque sorte vif, lent vif, comme une petite symphonie qui va mettre l'auditeur en quelque sorte en condition. Voici extrait de cet oratorio, la Sinfonia, dans la version récente de l'ensemble Les Accents, dirigé par Thibaut Noali, c'est une parution récente du label Erato. Thank you. Un extrait, la Sinfonia, qui sert d'ouverture à l'oratorio Les Serpents dans le désert de Johann Adolf Hasse, avec l'ensemble Les Accents, dirigé par Thibaut Noali, extrait d'une nouveauté Erato. Et on continue notre programme classique sur Radio Fadjet avec Schubert. Schubert et sa fantaisie. Fantasy Dutch 940, peut-être l'œuvre la plus populaire pour piano à quatre mains de Schubert, en tout cas la plus intéressante, ça c'est sûr. Composée en 1828, la dernière année de vie du compositeur, qui fut une année particulièrement féconde, tout comme l'année 1827 d'ailleurs. Alors il a composé cette œuvre assez mélancolique pour Caroline Esterhazy, qu'il l'aimait, mais qu'il ne l'aimait pas en retour, en quelque sorte. Et il y a justement un peu la trace de cet amour à sens unique de Schubert, qui souffrait certainement beaucoup de cette passion qui était inassouvie. Et on trouve donc pas mal de traces assez mélancoliques dans cette œuvre, particulièrement difficile, virtuose, et une œuvre en tout cas parmi, comme je le disais, les plus lyriques de Schubert. On en écoute un extrait dans la version récente enregistrée par deux pianistes, évidemment, Bertrand Chamaillou et Leif Ove Hansnes, pour le label Erato. Thank you. Un extrait de la fantaisie pour piano à quatre mains pardon, de Schubert, Deutsch 940, interprété par Leif Ove Andsnes et Bertrand Chamaillou, extrait d'un disque qui vient de paraître chez Erato. Et on continue avec un peu d'Offenbach. Enfin, est-ce vraiment de l'Offenbach? Bon, oui, même si ce qu'on va entendre, l'ouverture d'Orphée aux Enfers, eh bien, est un pastiche réalisé par un compositeur autrichien du nom de Binder, mais en reprenant des thèmes des différentes opérettes d'Offenbach. Donc c'est quand même de l'Offenbach, et bon, évidemment, c'est pas l'ouverture originale composée par Offenbach pour son opérette Orphée aux Enfers. Donc une œuvre très connue, très souvent jouée dans tous les festivals, les galas, enfin les concerts de gala, et qui se termine évidemment par un cancan. On va l'écouter, tout au moins un extrait, joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, que dirige Herbert von Karajan. Thank you. je pense que tout le monde aura reconnu, évidemment, hein, c'était Ouverture d'Orphée aux Enfers d'Offenbach, arrangé par Binder, et l'Orchestre Philharmonique de Berlin était dirigé par Herbert von Karajan, et vous écoutez Radio Fudgette, c'est votre magazine classique, discothèque classique, tous les samedis et dimanches de 11h à midi. Et on va retrouver Fritz Kreisler, mais cette fois en tant qu'arrangeur. On l'a écouté tout à l'heure, une pièce de ses propres compositions. Et bien le voici arrangeant une pièce de Cécile Chaminade, encore une compositrice qui a eu une belle longévité. Elle est née en 1857, elle est morte en 1944. Très très appréciée du milieu musical de son époque, de la fin du 19e siècle, notamment de Bizet, qu'elle a très bien connu parce qu'il était ami avec sa mère, mais aussi Chabrier, Saint-Saëns, qui l'ont beaucoup enregistré. Encouragé, même si évidemment à l'époque c'était difficile pour une femme de se faire un nom dans la composition musicale, d'entrer au conservatoire, etc. Elle a été appréciée de son vivant par l'élite musicale, je le disais, mais reçue aussi dans les grandes cours d'Europe. Par exemple, elle a été reçue plusieurs fois par la reine Victoria, elle séjournait au château de Windsor, et puis pendant la guerre de 14, elle s'est engagée, mais finalement elle a arrêté de composer assez tôt. Et on retiendra de son œuvre, par exemple, un concertino pour flûte absolument magistral, de nombreuses pièces pour piano. Et là, on va écouter une pièce justement pour piano arrangée pour violon et piano. C'est sa sérénade espagnole, arrangée par Fritz Kreisler, avec Kyung Va Chung au violon et Philippe Moll au piano. La sérénade espagnole de Cécile Chaminade, arrangée par Fritz Kreisler, avec Kyung Va Chung au violon et Philippe Moll au piano. Et on va continuer l'émission avec un peu de Rachmaninov. Alors il faut savoir que l'essentiel de l'œuvre de Rachmaninov a été composé avant 1917, avant la Révolution russe, parce qu'après il a émigré en Europe puis aux États-Unis et que là-bas il a été obligé de donner beaucoup de concerts pour faire bouillir la marmite. Et évidemment, il avait moins de temps pour composer. Ce qu'on va écouter, ce nocturne qui fait partie des trois nocturnes composé en 1887-88, c'est assez représentatif du premier style de Rachmaninov, très inspiré par l'œuvre de Frédéric Chopin. Voici ce premier nocturne de Rachmaninov composé, joué plutôt, interprété par Santiago Rodriguez. Thank you. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir programmé ce nocturne de Rachmaninov qui me semble que ça ne fait pas partie des œuvres très connues de ce compositeur. Magnifique interprétation de Santiago Rodriguez. Et on va terminer l'émission avec Schubert et sa 9e symphonie, encore une œuvre qui date de l'ultime année de vie du compositeur, 1828. Une œuvre aux dimensions gigantesques pour l'époque, presque 50 minutes. Plus de 50 minutes même, et qui avait désarçonné un petit peu, décontenancé le public qui a assisté aux premières auditions qui ont été données après la mort de Schubert, et même bien après la mort de Schubert dans certains pays comme la France. Et Schumann y avait vu les divines longueurs de Schubert, il avait raison. C'est une œuvre magistrale, hein, il faut le dire, une œuvre vraiment essentielle, qui va ouvrir le répertoire symphonique vers Bruckner et même Mahler. Voici le début de cette 9e symphonie de Schubert, avec l'orchestre symphonique de la radio de Cologne, direction Günther Wand. Thank you. ainsi de suite. C'est un extrait du premier mouvement de la 9e symphonie de Schubert, dite La Grande, avec l'orchestre symphonique de la radio de Cologne, direction Günther Wand. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui samedi, mais vous le savez, on se retrouve demain dimanche de 11h à midi pour une nouvelle émission de discothèque classique sur Radio Fadjet. Je vous souhaite un excellent samedi et je vous dis à demain.